Exercice 5, page 44. A. Le juge. La juge. Les juges. B. Le prof. La prof. Les profs. C. Le critique. La critique. Les critiques. D. Le pilote. La pilote. Les pilotes. E. Le guitariste. La guitariste. Les guitaristes. F. Le violoniste. La violoniste. Les violonistes.